بسم الله. اوكي طيب خير ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours 21 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liqat al-Tawdihiyyah على مقدمة الفتوى الحموية. C'est un livre célèbre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui explique les fondements de l'aqidah de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui réfute les shubuhat des gens de kalam parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya et ceux qui suivent leur voie. Donc, on est arrivé maintenant dans le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah au point où il commence à clarifier, parce que là on a expliqué l'origine de la croyance des Jahmiyyah et d'où est-ce que Al-Ja'd ibn Dirham et Al-Jahm ibn Safwan ont pris leur aqidah. On a expliqué l'origine de ces de cette aqidah, qu'elle vient des mushrikines et des kuffars et des gens du livre. Elle ne vient pas du Coran et de la Sunna, et elle vient des philosophes et ainsi de suite. Donc maintenant le Cheikh explique, il continue dans l'explication de l'historique, comment cette aqidah s'est propagée, comment elle est apparue parmi les musulmans, comment elle s'est propagée. Et on a parlé au dernier cours de la réalité de la fitna de Khalq al-Qur'an, et qu'est-ce qui est arrivé avec l'imam Ahmad et la fitna qu'il a endurée avec les Mu'tazila à son époque. On a parlé de ça. Maintenant on va parler de la suite de cette historique, comment ça s'est propagé. Donc le Cheikh il explique, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit: وَلَمَّا كَانَ فِي حُدُودِ الْمِئَةِ الثَّانِيَةِ انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر ابن غياث المريسي وطبقته. Donc le Cheikh ibn Taymiyyah il dit que lorsqu'ils sont approchés vers les années 200 après la Hijra, eh bien cette parole, cette croyance que les salafs appelaient Al-Jahmiyyah, cette croyance que les salafs appelaient Al-Jahmiyyah a commencé à se propager. Et c'était à cause d'un individu qui s'appelait Bishrun ibn Ghiyath Al-Murrisi, ainsi que les gens de sa génération ou de son époque qui étaient avec lui. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit: لما كانت المئة الثانية من الهجرة زاد البلاء. C'est-à-dire quand on est arrivé dans les années 200 après la Hijra, eh bien le malheur a commencé à augmenter. Le malheur et les problèmes et la fitna causée par ces bid'a et par ces fausses croyances a commencé à augmenter. Et on a vu apparaître, le Cheikh dit, وَظَهَرَتْ مَقَالَةِ الْجَهْمِيَّةِ. La croyance des Jahmiyyah et leurs paroles ont commencé à se propager et à devenir apparentes parmi les gens. وَظَهَرَتْ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِمَذْهَبِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلَّمَا تَأَخَّرَ الزَّمَانِ يَزْدَادُ الشَّرِّ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Donc le Cheikh il explique que lorsque donc la Bishr ibn al-Murrisi il a commencé à propager ses idées et cette croyance, cette chose-là a commencé à apparaître et à se propager, et c'est une croyance qui est en opposition avec la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Et le Cheikh explique que chaque époque qui s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus le temps avance et plus le mal augmente. Et ça c'est une règle générale, que plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus le mal présent dans la société, il devient plus grand et il augmente. Et il base cette parole sur un hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une époque qui va venir excepté que celle qui va la suivre après va être plus mauvaise qu'elle jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Il n'y a pas une époque qui va arriver excepté qu'elle sera suivie après elle par une époque encore plus mauvaise jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Donc, c'est pas quelque chose de surprenant. Et on le constate maintenant, aujourd'hui aussi. On remarque que plus le temps avance, plus la fitna devient grande. Hein? Il y a des choses, quand tu regardes 20 ans en arrière, il y avait des choses qui étaient bien dans la société, il y avait parfois des choses meilleures dans la société qui se passaient. Et avec le temps qui est avancé, on voit que ce bien-là a diminué, ou bien que parfois même il a disparu et que les choses deviennent plus mauvaises avec le temps. Allah musta'an. Le Cheikh il dit ensuite: Bisababi Bishr ibn Ghayas al-Murrisi. Bishr ibn Ghayas ou ibn Ghayas pardon al-Murrisi ou al-Murrisi, son nom au complet c'est Bishr ابن غياث ابن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي من موالي آل زيد بن الخطاب رضي الله عنه جرد القول بخلق القرآن ودعا إليه وكان عين الجهمية في عصره وعالمهم مات سنة ثمانية ثمانية عشرة ومئتين وقد قارب الثمانين. Donc il est Bishr ibn al-Murrisi, on a dit son nom, et c'était à son époque celui qui appelait à l'idée que le Coran était créé, et il faisait partie des Jahmiyyah, c'était la tête des Jahmiyyah et le savant des Jahmiyyah à son époque. Il est mort en l'an 218, il est mort en l'an 218 de la Hijra. Non. Et on dit que à l'âge, lorsqu'il est mort, il avait environ 80 ans. Donc, il a vécu longtemps, malheureusement. Ok. Et il dit وطبقته. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit نسبة إلى جهم بن صفوان كما سبق وأنه أخذها عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم أخذها عن اليهود. Donc la parole de Bishr al-Murrisi, yani de la négation des attributs d'Allah et ainsi de suite, eh bien on l'appelle al-Jahmiyyah. Pourquoi? Parce qu'il a pris cette aqidah de Jahm ibn Safwan. Il a propagé cette aqidah qu'il a pris de Jahm ibn Safwan. Et Jahm ibn Safwan, comme on l'a expliqué, il a appris cette aqidah de جعد بن درهم، جعد بن درهم، جعد بن درهم، c'est lui le vrai fondateur. Hein, c'est lui le premier qui a ramené cette bid'a parmi les musulmans, Al-Ja'd ibn Dirham. Mais celui qui l'a propagé par la suite, c'est Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan. C'est pour ça qu'on appelle cette aqida, on l'appelle Al-Jahmiyya. Pourquoi? Parce que c'est Jahm ibn Safwan qui l'a propagé. On ne l'appelle pas Al-Ja'diyya, même si c'est Ja'd ibn Dirham qui l'a inventé. On ne l'appelle pas comme ça, pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui l'a propagé par la suite. Même si on pourrait l'appeler Al-Ja'diyya, ce serait correct aussi. Puisque c'est Ja'd qui l'a ramené. Et lui, Ja'd ibn Dirham, il l'a pris des Juifs. Hein? Il l'a pris des Juifs. On l'a expliqué, il y a la chaîne de transmission d'où il a pris cette aqida dans les cours précédents. Et donc, c'était à cause de Bishr al-Murrisi, Ibn Rayyas al-Murrisi, ainsi que les gens de sa génération. Il dit أحد جلساء المأمون وهو بشر ابن غياث المريسي المعتزلي الذي ناصب الإمام أحمد العداوة والبغضاء وحث المأمون على أذيته وضربه بل أمر المأمون بقتله وقال أقتله قال أقتله وأنا أتحمل دمه ولكن الله عصم المأمون من ذلك. Donc il faisait partie des proches du Khalifa Al-Ma'moun. On a expliqué que Al-Ma'moun, au dernier cours, on a expliqué que Al-Ma'moun, c'était un des khulafas de Bani Al-Abbas, de Dawla Al-Abbasiyya. C'était celui qui a succédé à Harun Al-Rashid, ou bien son fils, Al-Rashid, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Harun Al-Rashid. Et qui venait après, mais les autres qui étaient avant lui étaient sur la sunna. Mais Al-Ma'moun, lui, il s'était entouré de gens qui avaient la aqida des Mu'tazila. Et il a été influencé par eux. Jusqu'à ce que, yani, il décide de faire traduire en arabe tous les livres de philosophie, les livres des philosophes grecs et autres. Et des autres croyances. Et les Mu'tazila, qui étaient avec lui, aimaient la philosophie eux aussi, donc ils l'encourageaient à ça, et ils l'ont influencé à accepter même leur aqidah, c'est-à-dire de nier les attributs d'Allah, et de dire que le Coran est créé, et ainsi de suite. Et donc, étant donné qu'ils étaient, parmi ceux qui entouraient Al-Ma'moun, il y avait Bishr al-Murrisi. Faisait partie de ceux qui étaient avec Al-Ma'moun et qui l'encourageaient dans la bid'a des Mu'tazila. Et il avait une haine et une animosité et une haine pour l'imam Ahmad. Il détestait l'imam Ahmad. Hein? Et il a même incité le khalifa Al-Ma'moun d'offenser et de faire du tort à l'imam Ahmad et de le frapper, et de le faire frapper. Il a même ordonné à Al-Ma'moun de le tuer. Il avait même ordonné au khalifa Al-Ma'moun de tuer l'imam Ahmad. Et il lui a dit, tue-le, et moi je vais porter son sang sur moi. Comme si, tue-le, et moi je vais porter le prix de son sang, puis le crime de l'avoir tué. Ça c'est Bishr al-Murrisi qui a dit ça. Bishr al-Murrisi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a quand même protégé l'imam Ahmad de ce que voulait Al-Ma'moun, et donc il n'a pas tué l'imam Ahmad finalement, mais il l'a torturé. Et il lui a donné beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah a dit wa kalamul a'imma mithl Malik wa Sufyan ibn Uyayna wa Ibn al-Mubarak wa Abi Yusuf wa Shafi'i wa Ahmad وإسحاق يبال ده الإمام الشافعي أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. Donc le cheikh l'imam Ibn Taymiyyah il dit que les paroles des imams de la Sunna, les imams de l'islam, et il énumère certains d'entre eux, il dit que leurs paroles sont nombreuses dans le fait de blâmer les Jahmiyyah et de mentionner leur égarement. Donc il mentionne parmi ces imams-là Malik ibn Anas, imam Udar al-Hijra, celui à qui on attribue le madhab maliki, imam Malik, et l'imam Sufyan ibn Uyayna. Et Sufyan ibn Uyayna était un contemporain de l'imam Malik. Et il était le contemporain de l'imam Malik et l'équivalent de l'imam Malik, mais pour les habitants de la Mecque. Parce que Malik habitait, lui, à Médine. Tandis que l'imam d'Ahl Sunnah à l'époque de l'imam Malik à la Mecque, c'était Sufyan ibn Uyayna. Et un des grands ulama de hadith, un des grands savants de l'islam. Et il y avait aussi l'imam ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, qu'on appelle Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans le hadith. Naam. Donc ça aussi c'est un des grands imams parmi les imams des salafs. Aussi l'imam Abu Yusuf, qui était l'élève de Abu Hanifa, et l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, qui est très connu, également un des quatre imams à qui on attribue le madhab al-Shafi'i. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, également, imam Ahl al-Sunnah, celui qui a subi la fitna des Mu'tazila, et de l'idée des Mu'tazila que le Coran est créé, et qui a été torturé pour ça, et battu pour ça, et qui a souffert pour ça, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la délivrance. Et c'est un des plus grands imams de la Sunna. Et l'imam Ishaq ibn Rahouya aussi, qui est un des grands imams parmi les imams des salafs. Et Al-Fudayl ibn Iyad aussi, qui est très connu également, un des hommes pieux parmi les zuhad et parmi les ulama. Et Bishr ibn al-Hafi et d'autres également qui sont très nombreux, et ils ont tous mentionné l'égarement des Jahmiyyah et le fait qu'ils sont mauvais et qu'ils soient égarés. Et même que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, dans son poème qu'il a écrit qui s'appelle An-Nuniyyah, il a mentionné jusqu'à il a dit qu'il y a même 500 parmi les imams de la Sunna qui ont déclaré la mécréance des Jahmiyyah, que les Jahmiyyah sont des kuffars, parce qu'ils nient les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples de la position des salafs vis-à-vis de ces gens-là. Il dit, l'imam Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant: وكلام الأئمة في ذم هؤلاء الذين أدخلوا على الإسلام ما ليس منه كبشر المريسي وأحمد ابن أبي دؤاد وغيرهم من علماء الضلال والتحذير منهم كثير معروف وهذا مما ينصر الله به دينه فأهل الحق يردون على أهل الباطل وينقضون شبههم ينقضون شبههم كذلك يضرب الله الحق بالباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que la parole des imams, donc ça fait partie des exemples qu'on a mentionnés, des noms qu'on a mentionnés. Ça fait partie des exemples des imams qui ont critiqué les Jahmiyyah et qui ont mentionné leur égarement. Ce sont ceux qui ont essayé de faire rentrer dans l'islam ceux qui n'en font pas partie, comme les exemples des égarés comme Bishr ibn al-Murrisi, Ahmad ibn Abi Duad et d'autres également parmi les savants de l'égarement, et de mettre en garde contre eux Hein, les mises en garde contre eux sont nombreuses. Sont nombreuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que il vient défendre sa religion par cela. C'est-à-dire par le fait de mettre en garde, hein, ou par le fait que les savants de l'islam mettent en garde contre les gens de l'égarement comme cela. Et c'est comme ça que Allah donne la victoire à sa religion, et qu'il défend et qu'il protège sa religion. Donc les gens de la vérité, ils réfutent les gens de la fausseté et ils détruisent leurs faux arguments. Donc on voit ici comment Cheikh Al-Fawzan, il supporte, hein, la position, hein, et le principe de Ahl Sunnah et des Salaf, qu'il faut mettre en garde contre les gens de l'égarement et qu'il faut les réfuter même, et même s'il faut mentionner leur nom si c'est nécessaire, on le mentionne ici, comme on voit, il mentionne l'imam, les imams d'Ahl Sunnah qui ont réfuté les égarés comme Bishr al-Murisi et Ahmed ibn Abi Douad et d'autres également. Donc il cite leur nom, hein? Et donc il dit que les gens donc d'Ahl Sunnah réfutent les gens de la fausseté, et ils annulent ou ils détruisent leurs faux arguments. Ensuite, le cheikh, il cite un verset dans le Coran, le verset 17, dans Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie le flot de Naam est semblable à celle-ci, et l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi, Allah propose des paraboles. Donc, c'est pour dire, les choses qui sont bonnes, ça reste, et les choses qui sont fausses, elles disparaissent et elles partent, hein, elles ne demeurent pas. Donc, alhamdoulilah. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علاء الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، وهي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. Donc le cheikh ici, il explique que les ta'wilat, hein, et le cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce qu'il veut dire par ta'wilat. Donc on va lire son explication. Il dit at-ta'wilat jam'u ta'wil. Donc le mot ta'wilat, c'est le pluriel du mot ta'wil en arabe. Ta'wil. Et le ta'wil, on va l'expliquer en détail, on va y revenir, mais là le cheikh il donne une définition résumée. Il dit at-ta'wil yutlaqu wa yurad bihi at-tafsir wa yutlaqu wa yurad bihi sarf al-lafz 'an zahirihi wa hadha huwa al-maqsud huna. ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الأمر في النهاية. Donc le cheikh explique que le terme ta'wil en arabe, il peut être utilisé pour désigner plusieurs choses différentes. Et ici, il mentionne trois définitions qui sont les plus souvent utilisées. La première définition pour le terme ta'wil, c'est un synonyme du mot tafsir. C'est-à-dire que le terme ta'wil, hein, il est employé comme un synonyme du mot tafsir. Tafsir qui veut dire interprétation, explication. Donc, on utilise le terme ta'wil pour dire la même chose que le terme tafsir. Comme par exemple, si on dit ta'wil al-Qur'an dans le sens de tafsir, c'est-à-dire tafsir al-Qur'an, l'interprétation du Qur'an. Donc ça c'est une explication ou une signification du terme ta'wil. Une autre signification ou une façon dont on emploie le terme ta'wil, c'est pour déformer ou détourner le sens d'un mot de son sens apparent. Hein? De détourner un mot de son sens apparent. Et c'est ça ce qu'on veut dire ici par le terme ta'wil. Dans qu'est-ce que le cheikh Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer maintenant. C'est-à-dire, ceux qui prennent les termes qui sont mentionnés dans le Coran, soit dans les noms ou dans les attributs d'Allah ou autres, et qui les font sortir de leur sens apparent vers une autre signification. Et le plus souvent, ceux qui font ça parmi les gens de Bid'ah, à propos des noms et des attributs d'Allah, eh bien, ils le font sans preuve, aucune preuve de la révélation, et aucune preuve de la langue arabe classique. Donc c'est ça, c'est la signification qui est voulue ici. Puis il y a une autre utilisation du terme ta'wil dans la langue arabe, qui est le fait de dire ta'wil dans le sens de la réalisation d'une chose à la fin. Comment une chose se réalise et se concrétise à la fin. Comme par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Yusuf alayhi salam, dans Surat Yusuf, on voit que au début de la Surah, Yusuf alayhi salam, il dit à son père qu'il a vu un rêve, puis que dans le rêve, il a vu la lune et le soleil, et il a vu des étoiles, hein, et il explique qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve. À la fin de la sourate, on voit que ses frères arrivent avec son père, hein, et que lui, il est sur le trône et ainsi de suite. Et il dit à son père, voici le ta'wil de ce que j'avais vu comme rêve. En voulant dire, voici la concrétisation et la réalisation de ce que mon rêve m'avait montré. Hein. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi qu'on pourrait donner comme ça pour dire que ta'wil, c'est la chose vers laquelle les choses se réalisent à la fin, comment elles se concrétisent, ou bien comment la réalité d'une chose apparaît à la fin. Donc ça, c'est la troisième signification pour laquelle on utilise le terme ta'wil, c'est-à-dire ma ya'ulu ilayhi al-amr fi nihaya. Et le cheikh il dit « وَالشَّيْخُ يَقْصُدُ الْمَعْنَى الثَّانِي وَهُوَ صَرْفُ اللَّفْظَ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُمْ صَرَفُوا النُّصُوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا وَقَالُوا ظَاهِرُهَا غَيْرُ مُرَادٍ إِنَّمَا يُرَادُ بِهَا مَعَانٍ أُخْرَى أَوْ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ يُفَوِّضُونَهَا وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الضَّلَالِ. Donc le cheikh explique que la signification qui est voulue par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici maintenant, c'est la deuxième signification, c'est-à-dire de déformer le sens et de le détourner de son sens apparent. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ils prennent les attributs d'Allah et ils les déforment ils déforment les textes de leur sens apparent et ils disent que le sens apparent n'est pas voulu. Hein? Et que ce qui est voulu, c'est uniquement d'autres significations. Ou bien ils prétendent que personne ne connaît la signification de ces termes ou de ces attributs, excepté Allah. Donc ils font qu'est-ce qu'on appelle at-tafwid. At-tafwid, c'est-à-dire tu remets le sens des attributs à Allah et tu dis personne ne sait qu'est-ce que ça signifie ces mots-là, sauf Allah. Alors que on sait très bien que c'est faux. Puisque ce sont des mots arabes que tous les arabes peuvent comprendre, hein, et de dire que personne les connaît ou personne peut les comprendre, comme si c'était des mots chinois ou des mots d'une langue étrangère que personne connaît, c'est un mensonge et c'est faux. Et c'est pour ça que le cheikh dit que ça c'est la voie des gens de l'égarement. Toutefois, les gens de bid'ah aujourd'hui, ils prétendent que le tafwid c'était la voie des salafs. dans les noms et les attributs d'Allah, et on sait très bien que c'est faux, que c'est pas vrai, puisque les salafs comprenaient et connaissaient la signification des termes qui sont employés dans le Coran et dans la Sunna, et ils savaient ce que ces termes-là signifiaient en langue arabe, et ils l'ont expliqué. Donc on sait que la voie des salafs, ce n'est pas de faire le tafwid de la signification, mais plutôt de faire le tafwid du commun des attributs d'Allah. C'est-à-dire, on s'en remet à Allah pour le commun, puisqu'on l'ignore, on ne sait pas comment sont les attributs d'Allah. Mais la signification, qu'est-ce que signifient les attributs? Ça, on le connaît. Hein? Pas comme le commun. Donc ça, c'est la distinction entre les deux. Maintenant, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne comme un livre qui a été écrit par Ibn Furak, Abu Bakr Ibn Furak. Il fait partie des gens de Kalam. Ibn Furak fait partie des gens de Kalam et il a écrit un livre qui s'appelle At-Ta'wilat. Donc ici, en note de bas de page, il y a une courte biographie de Ibn Furak et de qui il était. Il dit que Ibn Furak, c'est le cheikh des gens de Kalam, les Mutakallimin. Il s'appelle Abu Bakr Muhammad ibn al-Hassan ibn Furak al-Asbahani. Donc il vient d'Asbahan. Il a appris la voie des Asha'ira, de la secte des Asha'ira, et il a appris cette voie de Abu al-Hassan al-Bahili, qui était l'élève de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et il dit, ودعي إلى غزنة إلى غزنة وجرت له مناظرات. Donc il a eu des débats avec des gens au sujet de la religion. وكان شديدا وكان شديد الرد على ابن كرام. Donc il était sévère et dur dans sa réfutation de Ibn Kurram. Des fois, les gens de Bid'a, parfois, ça arrive que des fois, les gens de Bid'a réfutent d'autres gens de Bid'a. Hein, c'est vrai. Comme par exemple, certains, parmi les gens de Bid'a, par exemple, parmi les Asha'ira, ils réfutaient, par exemple, essayaient de réfuter les Mu'tazila. Hein. Et, étant donné qu'eux-mêmes ont des Bid'a, donc leur réfutation était uniquement partielle. Ils réfutent une partie, mais ils ramènent d'autres Bid'a en même temps. C'est ça le danger de la bid'a et de l'ignorance, c'est que lorsque quelqu'un veut réfuter les gens d'égarement alors que lui-même est sur un égarement, eh bien il va réfuter les choses, mais pas comme il faut. Ok? Et donc quand il a essayé de réfuter Ibn Kurram, c'est un autre parmi les gens de Kalam aussi. Et donc, il a eu des débats avec les gens sur ces questions-là. Il réfutait Ibn Kurram, puis ensuite il est retourné à Nisabour. Fasammawhu fi at-tariq. Fasammawhu fi at-tariq sanata 46. وكان مولده سنة 85 و800. Donc, il est né en 385, il est mort en 406. Il est mort en 406, après la Hijra. Naam. Donc, ça c'est Ibn Furak, un des gens de Kalam. Ensuite, Ibn Taymiyyah, il mentionne que, donc il dit, ça c'est des ta'wilats qu'on retrouve aujourd'hui chez les gens. La plupart viennent de celles qui ont été mentionnées par Ibn Furak dans son livre Ta'wilat, ou bien celles qui ont été rapportées ou mentionnées par Abu Abdullah Muhammad Ibn Omar al-Razi dans son livre qu'il a appelé Ta'sis al-Taqdis. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, huwa Fakhruddin al-Razi, sahib al-Tafsir. Lui faisait partie des gens de Kalam. Il a un tafsir, lui. Il a un tafsir. Et il a aussi un livre qu'il a appelé Ta'sis al-Taqdis. Et dans ce livre-là, il dit jama'a fihi at-ta'wilat allati ya'taqiduha wa yadhhabu ilayha. Fa huwa aswa kitab fi hadha al-mawdu'. Donc, dans son livre Ta'sis al-Taqdis, il a ramené les différentes ta'wilat qu'il a fait et qu'il croyait ou qu'il avait comme position, qu'il avait pris comme position. C'est-à-dire, comment il déforme le sens des attributs d'Allah et il leur donne une autre signification. Donc, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Ta'sis al-Taqdis, dans lequel il a rassemblé ces différentes ta'wilat. Et le cheikh dit que c'est un des plus mauvais livres dans ce sujet-là. Et le cheikh dit « وَجَاءَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ وَنَقَدَهُ وَنَقَدَهُ بِكِتَابٍ ضَخْمٍ اسْمُهُ نَقْدُ التَّأْسِيسِ وَهُوَ مِنْ عُيُونِ مُؤَلَّفَاتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ » Donc le cheikh explique, cheikh Al-Fawzan, il dit que Ibn Taymiyyah, il a réfuté ce livre de Fakhruddin al-Razi et il l'a réfuté dans un gros volume qu'il a intitulé Naqd al-Ta'sis, la réfutation du Ta'sis ou bien la critique du livre al-Ta'sis, parce que l'autre, son livre s'appelle Ta'sis al-Taqdis et Ibn Taymiyyah l'a appelé sa réfutation Naqd al-Ta'sis. Il dit que c'est un des meilleurs livres de Ibn Taymiyyah sur ce sujet-là. Et le livre en question, il a été publié avec une vérification et une correction. Alhamdulillah. Donc, ce livre-là est disponible dans les librairies. Il dit ensuite, وَيُوجَدُ كَثِيرٌ مِنْهَا فِي كَلَامِ خَلْقٍ غَيْرِ هَؤُلَا. Donc, ces ta'wilat, on les retrouve également dans des paroles d'autres que ceux-là, c'est-à-dire d'autres que Ibn Furak et d'autres que Fakhruddin al-Razi. On les retrouve, comme il dit, également chez d'autres. Et il mentionne quelques noms. Par exemple, Abu Ali al-Jubba'i. Et Abu Ali al-Jubba'i fait partie des Mu'tazila. Il était une des têtes des Mu'tazila à son époque. Et c'était celui avec qui Abu al-Hassan al-Ash'ari a appris sa aqidah. Oui, parce que le père, en fait, sa mère était mariée avec lui. C'est-à-dire son père, Abu al-Hassan al-Ash'ari, était mort. Et sa mère s'était remariée avec un Mu'tazili, Abu al-Ala al-Jubba'i. Et donc, Abu al-Hassan al-Ash'ari, pendant 40 ans, il est resté dans la secte des Mu'tazila. Et il a étudié avec son beau-père, al-Jubba'i. Et al-Jubba'i était une des têtes des Mu'tazila à son époque. Donc, il dit « Kana mawliduhu sanata 35 wa 200 » Donc, al-Jubba'i, il est né en 235. Il est né en 235. Il est mort en 303. Il est mort en l'an 303. Ensuite, il mentionne aussi que parmi ceux qui ont fait ces ta'wilat, il y avait Abdul Jabbar ibn Ahmed al-Hamdani. Lui, c'est aussi un autre Mu'tazili. Il a un tafsir aussi. Mais il est connu pour sa aqidah Mu'tazili. Il fait partie des gens de l'Irtizal. Et il est mort en l'an 415. Il est mort en l'an 415. Et il y a un autre aussi qu'il mentionne qui est Abu al-Hassan al-Basri. Abu al-Hussein al-Basri. Son nom c'est Abu al-Wafa Ali ibn Aqil. Non, c'est pas lui. Abu al-Hussein Muhammad ibn Ali ibn al-Tayyib al-Basri. Et lui, il est mort en l'an 436. Et l'autre qui est mentionné, c'est Abul Wafa ibn Aqil. Et Abul Wafa ibn Aqil, c'est Ali ibn Aqil ibn Muhammad ibn Aqil ibn Abdullah al-Baghdadi al-Dhafri al-Hanbali al-Mutakallim, صاحب التصانيف. Il est né en l'an 431 et il est mort en l'an 513. Donc lui aussi faisait partie des gens de Kalam, malgré qu'il était Hanbali. Hein? La plupart des Hanabilas sont sur la Aqida de l'imam Ahmad, sauf que certains d'entre eux sont tombés dans la bid'a de Ilm al-Kalam et ils ont déformé les attributs d'Allah. Et lui, il fait partie de ceux-là, Ibn Aqil. Abu Hamid al-Ghazali, celui que beaucoup de gens connaissent, le philosophe, le soufi. Hein? Il était en premier un faqih, connu pour son fiqh, puis il est tombé dans des shubuhat de la philosophie et après il est tombé dans le soufisme. Puis, on dit qu'avant sa mort il s'est repenti, qu'il est revenu à la aqidah d'Ahl al-Sunnah, mais il a été mélangé pendant toute sa vie, cet homme-là. Il a été dans le doute et la confusion, il a été dans la philosophie et il avait des doutes dans sa foi. Après, il est tombé dans le soufisme, il est rentré profond dans l'égarement, dans le soufisme. Il est même rentré dans les croyances ésotériques. Il est allé loin dans l'égarement. Puis, ensuite, il était aussi parmi les gens de Kalam, parce qu'il est une des références pour les Asha'ira. Hein? Donc, c'est ça. Et on retrouve chez lui beaucoup de positions divergentes. Tu vois, à un moment donné, il écrit un livre pour défendre quelque chose, puis plus tard, il écrit un livre pour le réfuter. Donc, il défend des choses, puis après, plus tard, il les réfute. Il était très, très troublé, cet homme-là, dans sa vie. Donc, les soufis, ils le prennent comme une référence et comme un exemple. Pourquoi? Parce que il a défendu le soufisme à un moment donné, et c'était rare, à l'époque, qu'on trouvait des gens défendre le soufisme. Donc, quand ils ont trouvé Al-Ghazali, qui était un savant de fiqh qui était connu, et la plupart des ulama de fiqh sont célèbres pour leur réfutation des soufis, eh bien, ils ont trouvé un allié chez lui. Donc, ils ont commencé à le défendre, à l'élever, à le glorifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu les trouves toujours en train de glorifier Al-Ghazali. Hein? Mais, Alhamdulillah, même des contemporains d'Al-Ghazali l'ont réfuté. Non, parce que dans ces livres, il y a beaucoup de bid'ah, il y a beaucoup de hadiths qui sont fabriqués, et il y a beaucoup d'égarements, il y a beaucoup d'égarements, même qu'il y a des savants de l'époque de Al-Ghazali qui ont même interdit aux gens de lire son livre, et même en Andalousie, ils ont même brûlé son livre devant la mosquée lorsqu'il est arrivé, oui. Donc le calife l'amir avait ordonné que son livre soit brûlé devant la mosquée, et tous les savants étaient réunis et ils ont brûlé le livre Ihya Ulumuddin, celui qu'on appelle Ihya Ulumuddin, c'est-à-dire la revivification des sciences de la religion. C'était pas vraiment un titre qui correspond réellement au contenu, parce que dans le livre il y a toutes sortes d'égarements et de faussetés, de choses contraires à l'islam, malheureusement. Après, le cheikh, il explique, il dit qu'il y a beaucoup d'autres également. Donc, tous ces gens-là, parmi les noms qu'on a mentionnés, et d'autres aussi, quand ils ramènent des ta'wilat, hein, quand ils déforment les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et qu'ils essaient de lui donner une signification différente, à l'origine, toutes ces shubuhat et toutes ces ta'wilat, ils les ont pris de ces gens-là. Ils les ont pris des gens des Mu'tazila et des Jahmiya. Donc c'est les mêmes, Ibn Taymiyyah a dit, c'est les mêmes ta'wilat que Bishr al-Murisi. Hein? Donc aujourd'hui tu les vois, ils prétendent être Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Les Asha'ira Et les maturidiyya, quand ils parlent, ils disent, c'est nous, Ahlus Sunnah, nous sommes les sunnites, nous sommes les gens d'Ahlus Sunnah. Pourtant, ils ramènent les mêmes ta'wilades que Bishr ibn al-Murrisi, qui était un jahmi. Hein? Donc, comment vous pouvez être Ahlus Sunnah et ramener les ta'wilades de Bishr ibn al-Murrisi et prétendre que vous êtes d'Ahlus Sunnah, alors que les gens d'Ahlus Sunnah ont combattu et réfuté Bishr al-Murrisi et sa aqida jahmiya depuis le début. Mais la plupart des Asha'ira et des Maturidiyya aujourd'hui qui défendent cette aqida, ils ne savent même pas la réalité de l'origine de cette aqida. Hein? Beaucoup d'entre eux, ils ignorent que leur aqida aujourd'hui vient à l'origine de Jahm ibn Safwan, et que Jahm ibn Safwan lui-même l'a pris des juifs et des philosophes et des athées et des autres mushrikines et kuffars et juifs et chrétiens, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que tu trouves ces gens-là, à cause de leur ignorance et de leur fitna qu'ils ont comme mauvaise compréhension d'âme. Oui, les Ahbash aussi. Oui, à l'origine, puisque même s'ils prétendent suivre Abul Hassan al-Ash'ari aujourd'hui, mais la réalité, c'est que la aqida qu'ils suivent, c'est pas, premièrement, la dernière position de Abul Hassan al-Ash'ari. On a expliqué déjà dans des cours précédents que Abul Hassan al-Ash'ari, à la fin de sa vie, il est revenu à la position de Ahlus Sunnah al-Jama'a, sauf que avant d'arriver à la position de Ahlus Sunnah al-Jama'a, il est passé par différents stades. Et le premier stade, comme on a expliqué tantôt, il est resté 40 ans avec les Mu'tazila. Puis ensuite, il a quitté les Mu'tazila pour affirmer certains attributs, mais pas à la façon de Ahlus Sunnah al-Jama'a, à la façon des gens de Kalam. Donc il a affirmé certains attributs et il a nié le reste, et c'est ça qu'on appelle la aqida des Asha'ira al-Kullabiyya. On les appelle al-Kullabiyya parce que c'est des gens de Kalam qui suivaient cet individu qu'on appelait al-Ibn Kullab, et qui était la position intermédiaire de Abul Hassan al-Ash'ari avant qu'il vienne à la Sunna. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent Ash'ari, ils suivent cette position-là. Cette position qui était la position intermédiaire de Abul Hassan, ils ne suivent pas sa position finale avant qu'il meure, lorsqu'il est revenu à la position d'Ahlus Sunnah al-Jama'a. Et la position finale qu'il a eue, c'était quand il a dit clairement qu'il est revenu à la position de l'imam Ahmad, dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle Al-Ibana an Usul al-Diyana. Et dans ce livre-là, il affirme les attributs d'Allah à la façon d'Ahlus Sunnah al-Jama'a, et aussi dans un autre livre qu'il a écrit, Maqalat al-Islamiyin. Et il explique la position des salafs et d'Ahlus Sunnah dans ce livre-là. Même si, comme certains l'expliquent, certains savants l'expliquent, qu'il a quand même peut-être gardé certaines shubuhat aussi. Oui, il n'a pas corrigé tout à 100%, mais on voit que quand même, il était vers la position des salafs et d'Ahlus Sunnah dans l'affirmation des attributs. Donc ça, c'est par rapport à ces questions-là. Donc c'est pour comprendre que les Asha'ira aujourd'hui et les Maturidiyya, on les retrouve souvent, les Asha'ira, on les retrouve parmi les Malikiyya, parmi les Shafi'iyya. On les retrouve souvent parmi les Malikiyya et les Shafi'iyya. Et les Maturidiyya, on les retrouve dans le Madhab Hanafi. La plupart des gens qui se disent Hanafi sont sur l'aqida al-Maturidiyya. En ce qui concerne le nom et les attributs, le Qadar, le Tawhid et d'autres aspects. Et les autres aussi se disent Maliki ou Shafi'i, mais leur aqida, c'est l'aqida Ash'ariyya. Ils suivent que le fiqh, et même encore le fiqh, ils suivent aveuglément. C'est-à-dire, ils vont pas revenir aux dalil et aux preuves comme les imams de ces madhahib ont enseigné à leurs élèves de faire. C'est-à-dire, les imams de ces madhahib disaient à leurs élèves, si vous trouvez un hadith hein, qui est contraire à ce que je dis, eh bien, laissez ma parole et suivez le hadith. Et il disait par exemple, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, alors c'est ça mon madhab. Donc, il faut laisser sa position puis prendre le hadith. Mais eux, ils ne font pas ça malheureusement. Ils font juste suivre aveuglément l'imam. Donc, ils suivent. Puis, en plus, ils ramènent une autre également aussi, puisqu'ils ramènent une tariqa soufiya avec ça. Donc, la plupart des Asha'ira, tu les trouves divisés dans tous les aspects, dans toutes les parties de la science. Dans l'aqida, ils sont Ash'ari. Dans le fiqh, ils sont des muqallidin, ils suivent aveuglément. Et dans le qu'est-ce qu'ils appellent as-suluk ou l'ibada, ils sont sur la voie des soufiya. Hein? Donc, oui, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas voir, par exemple, qu'on dit, bon, je suis Ash'ari dans l'aqida, je suis Maliki dans le fiqh et dans l'ibada ou le suluk, je suis par exemple Qadiri. Tu vois? Donc des exemples comme ça. Alors que si tu retournes à l'époque des salafs, ils disaient, bon, moi, mon fiqh, c'est Al-Kitab wa Sunnah, hein, selon la compréhension des salafs, et dans, par exemple, Al-Aqidah, c'est le Kitab al-Sunnah que je suis selon la compréhension des salafs, et dans mon suluk, eh bien c'est le Coran et la Sunnah que je suis selon la compréhension des salafs, et ils ne suivaient aucune autre de ces bid'as que ces gens-là ont inventé par la suite. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari, comme on l'a expliqué déjà dans les cours précédents, il est né en 260 ou certains même disent 270. Et il est resté 40 ans. Donc tu rajoutes à ça 40 ans. Donc ça dépasse, ça va être 300, en l'an 300, ou 310, qu'il est revenu, il a quitté les Mu'tazila en l'an 310. Et ensuite, je ne me rappelle plus exactement la date de sa mort, mais il est resté quand même quelques années sur cette voie intermédiaire qu'on appelle Al-Kullabiyya. Puis c'est juste plus tard, après, vers sa mort, qu'il s'est repenti de ça. Je pense que c'est l'an 330 et quelques. Donc, ça veut dire que jusqu'à l'an 300, il n'y avait pas une aqida qui s'appelait Ash'ari. Dans le sens que c'était pas ça que les gens connaissaient, que les gens suivaient. Les gens suivaient la aqida des salafs. Et les Jahmiyyah sont arrivés avec ces bid'ah, et les Mu'tazila par la suite. Ça, c'est des choses qui ont été introduites, qui étaient des innovations. Et Al-Ash'ari est venu, lui, par la suite, essayer de réfuter ces shubuhat et ces innovations-là, mais selon sa propre compréhension, selon sa propre logique, il a fait beaucoup d'erreurs là-dedans, et c'est pour ça que il a créé plus de problèmes par la suite avec ces innovations-là. Et des gens suivent cette bid'a jusqu'à aujourd'hui. Et c'est après qu'il est revenu à la aqida des salafs avant sa mort. Rahimahullah. Donc, à l'origine, toutes ces shubuhat, toutes ces ta'wilat, elles viennent des Jahmiyyah. Et les Ash'ara, ils les ont héritées des Jahmiyyah. Après le Cheikh dit وقد يوجد كلام بعض هؤلاء وقد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que c'est possible que on trouve chez certains d'entre eux dans leurs paroles des réfutations du ta'wil. Il a démontré la fausseté du ta'wil aussi. Et ils ont, dans certaines choses, des bonnes paroles là-dessus. Hein? Et c'est ça qui montre comment parfois ils sont contradictoires. Parfois ils vont affirmer le ta'wil et des fois ils vont le nier. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, قال الشيخ رحمه الله يقول يوجد في كلام هؤلاء شيء من الخير ومن الحق ولا ينبغي إذا كان الإنسان له حسنات وعنده خير أن نغضي عن الباطل الذي عنده والضلال الذي عنده، بل نبين هذا ولا نتأثر بمن يقولون بالموازنات ويريدون أن يغطوا الأخطاء التي عند بعض الناس، وهذا غش للمسلمين وترويج للباطل. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il mentionne ici que il ne faut pas se laisser tromper par le fait que certaines personnes, même les gens de la fausseté, certains d'entre eux, dans leurs paroles, il y a des choses de vraies. Mais il ne faut pas regarder le bien de ces gens-là, hein, et oublier le faux qu'ils ont, et se laisser égarer par le faux qu'ils ont et par leur égarement. Il faut expliquer ça aux gens. Il faut expliquer l'égarement qu'ils ont et ne pas se laisser influencer par ceux qui prétendent qu'il faut employer la méthode de Al-Muwazanat, c'est-à-dire d'essayer de dire que quand on parle des gens de l'égarement, il ne faut pas mentionner seulement leur mal ou leurs égarements, il faut aussi mentionner le bien qu'ils font pour être juste. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et les ulama ont réfuté ça. Ils ont dit non, si tu mets en garde contre les gens de l'égarement et que tu réfutes leur fausseté, eh bien, dans ce cas-là, tu ne dois pas mentionner le bien qu'ils font ou leur bonne qualité, parce que si tu fais ça, eh bien, ta mise en garde, c'est comme si tu te contredis dans toi-même, dans ta mise en garde. Parce que c'est comme si tu dis aux gens, il est pas bon, il a des choses pas bonnes, il a des égarements, mais il est bon quand même, vous pouvez l'écouter. Ou vous pouvez le prendre de lui. Et quand tu dis ça aux gens, eh bien, c'est comme si ça leur fait comprendre que l'égarement, c'est pas grave. Malgré l'égarement de quelqu'un, tu peux toujours le retourner vers lui, puis prendre ta science de lui. Donc, les ulama, ils ont dit non. Si tu parles de quelqu'un et que tu veux mettre en garde les musulmans contre son égarement, dans ce cas-là, tu ne mentionnes pas le bien qu'il a fait, tu te limites à mentionner son égarement pour les avertir. Donc, si tu es dans un autre contexte, si tu fais la biographie de la personne pour expliquer aux gens son histoire, là, dans ce cas-là, tu vas mentionner tout. Le bien et le mal. Parce que le but, c'est de faire connaître aux gens son histoire. Mais si tu veux mettre en garde les gens contre un égarement et contre le danger d'une personne, là, c'est un autre contexte. Et dans ce contexte-là, il faut se limiter uniquement à mentionner ces égarements, justement pour que les gens soient avertis et qu'ils ne se laissent pas tromper par le bien que cette personne-là possède. Sinon, tout le monde a du bien. Même Pharaon, il avait du bien peut-être. Hein? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a mentionné le bien de Pharaon? Non, pourquoi? Parce que l'intérêt et le but, l'objectif de mentionner Pharaon, c'est de mettre en garde contre sa mécréance, de mettre en garde contre son égarement. La même chose pour les mouchriquins de Quraysh et pour les kuffars. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans le Coran, c'est pour nous faire connaître le danger du kuffre, le danger du shirk. Si par exemple il commence à nous faire son éloge, il commence à nous dire du bien des mouchriquins et des kuffars, oui, ils font du bien des fois, ils sont gentils, ils font ci, ils font ça, ils sont bons avec leurs enfants, avec leurs... Les gens vont pas prendre la leçon qui est voulue dans ces versets et dans ces enseignements du Coran et de la Sunna. Naam. Donc, ok. Donc, on continue, Inch'Allah. Cheikh al-Islam, il dit, فَإِنَّمَا بَيَّنْتُ أَنَّ عَيْنَ تَأْوِيلَاتِهِمْ هِيَ عَيْنُ تَأْوِيلَاتِ الْمُرِّيسِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ الرَّدِّ الَّذِي صَنَّفَهُ عثمان ابن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد وحكى فيه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. Donc Ibn Taymiyyah ici il dit la raison pour laquelle j'ai mentionné que les ta'wilat des gens d'aujourd'hui, de son époque, c'est-à-dire les Asha'ira, que c'est les mêmes que les ta'wilat de Bishr al-Murisi, la raison pour laquelle j'ai mentionné ça, c'est en fait, c'est pour montrer, c'est pour faire savoir que, en fait, ils ont la même origine. Faire savoir qu'ils ont la même origine. Et il dit, la preuve de ça, c'est que si tu regardes un livre qui a été écrit par l'imam Othman ibn Sa'id ibn al-Darimi, un des grands imams célèbres de l'époque de l'imam al-Bukhari, il a écrit un livre qui s'intitule « La réfutation de Othman ibn Sa'id contre le menteur et le menteur al-Anid », c'est-à-dire la personne qui oppose la vérité avec obstination, hein. Et donc la réfutation de Othman ibn Sa'id contre le menteur obstiné qui a inventé, et la réfutation de ce qu'il a inventé à propos d'Allah dans le Tawhid, hein. Donc c'est un livre qui existe, hein. Il est publié, hein, ce livre-là, et il a deux livres. Il est en deux tomes. Et Othman ibn Sa'id, je l'avais acheté la dernière fois quand je suis allé à Toronto dans une librairie, je l'ai trouvé, je l'ai acheté, donc j'étais très content. Et il a un autre livre aussi qui réfute les Jahmiya, ça s'appelle Ar-Raddu ala Jahmiya par l'imam Ad-Darimi aussi. Donc Cheikh al-Islam, il mentionne que dans le livre de l'imam Ad-Darimi, il y a la réfutation des Shubuhat de Bishr al-Murisi. Et il dit que il a mentionné les mêmes ta'wilat que les gens de Kalam ont rapporté, comme les Asha'ira et les Maturidiyah, c'est les mêmes que celles que Bishr al-Murisi utilisait et que l'imam Ad-Darimi a réfuté. Et il mentionne que même que al-Murisi était plus plus savant du Coran et de la raison que ceux qui l'ont suivi par la suite, parmi les Asha'ira et les Maturidiyah et autres. Donc c'est pour dire que ceux qui sont venus après, ils ont juste répété les mêmes shubuhat que Al-Murisi, et même que Al-Murisi l'avait fait mieux que eux. Et il dit que la réfutation de Othman ibn Sa'id, si tu la lis et que tu es intelligent et que tu raisonnes, que tu comprends les choses, eh bien tu vas connaître par cela la réalité de ce que suivaient les salafs, et tu vas également voir à quel point leur argument était forte et qu'elle avait le dessus, et que leur voix était apparente et forte, et que les arguments des opposants étaient faibles, hein. Et pour revenir à qu'est-ce que le cheikh explique à propos des paroles de Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Fawzan, il dit: التأويلات التي في كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة وكتب الماتريدية هي تأويلات المريسي الذي هو رأس الضلالة. Il dit toutes les ta'wilat que tu trouves chez l'Asha'ira et dans les livres des Mu'tazila et dans les livres des Maturidiyah, ce sont les mêmes que les ta'wilat de Al-Murisi, qui était la tête de l'égarement. Et Othman ibn Sa'id al-Darimi fait partie des imams de Ahl al-Sunnah, parmi les savants de Hadith. Et il a réfuté Al-Murisi, le sale, le mauvais Al-Murisi, Bishr al-Murisi, avec une réfutation qui est très bonne et avec un style très fort. et le livre il est publié. Hein, et son nom c'est Raddu Uthman ibn Sa'id al-Darimi ala Bishr al-Murrisi al-Anid fi maftarahu ou fi maftara ala Allah fi al-Tawhid. Donc le livre il existe, il est publié. Naam, naam. Et ça c'est pour réfuter ceux en même temps qui disent qu'on n'a pas le droit de faire des réfutations ou de mentionner le nom de des gens qu'on réfute. Eh bien, on voit que les salafs ils le faisaient. Hein? L'imam al-Darimi, il le faisait. Et je me demande ici, ah oui, il a mentionné à quelle année, en quelle année il est né. L'imam al-Darimi, il est né en l'an, avant l'an 200, quelques années avant l'an 200. Et donc, c'est ça. Et la date de sa mort n'est pas mentionnée. Non, ça, la date de sa mort n'est pas mentionnée. Mais bon, on a une petite idée, puisqu'il vivait à l'époque de l'imam al-Bukhari. Ensuite, il dit que le cheikh dit, cheikh al-Fawzan, il dit: وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللَّهِ أَنَّهُ يُقَيِّضُ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. في كل زمان ومكان ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يستمع للمخذل والمرجف بل يستمر ويمضي في بيان الحق ورد الباطل. هذا هو الواجب على العالم لا سيما عند الحاجة فإنه لا يسكت ولا يترك أهل الضلال يعيثون يعني يعيثون في الأرض فسادا أو يعيثون في الأرض فسادا ويضللون الناس ويروجون أفكارهم بل يجب على العلماء يبينوا ويردوا على هؤلاء. وهذا من رحمة الله أنه لا يخلو وقت من قائم لله بحجة يرد على أهل الباطل وينصر الحق وأهله. Donc le cheikh il explique que ça fait partie de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans, pour les croyants, qu'il fasse en sorte qu'il y a toujours des gens qui sont désignés pour réfuter et yani pour repousser les gens de la fausseté et pour les réfuter à toutes les époques et en tout lieu. Et ils ne prennent pas le blâme d'aucun blâmeur. C'est-à-dire, ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur lorsque c'est le temps de réfuter la fausseté et de défendre la vérité. Et ils n'écoutent pas les mukhaddil. Ils n'écoutent pas le mukhaddil, c'est-à-dire, ils n'écoutent pas celui qui essaie de décourager les gens de la vérité lorsqu'ils veulent défendre la sunna. Et al-murjif. Al-Murjif, c'est-à-dire celui qui veut faire peur aux croyants, hein, en mentionnant les kuffars ou en mentionnant les ennemis de la vérité ou les ennemis de la sunna. Comme ceux, par exemple, quand tu veux défendre la sunna ou défendre l'islam, ils te disent: non, mon frère, fais attention, hein, c'est dangereux, tu vas avoir des problèmes, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça, hein, ou des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Murjifoun. Al-Murjifoun et Al-Mukhaddiloun, c'est ceux qui essaient de te décourager ou qui t'abandonnent lorsque tu commences à défendre la vérité. Ils t'abandonnent, ils te laissent tout seul. Allah musta'an. Naam. Donc le cheikh il dit: wa yamdi fi bayan al-haq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il désigne donc ces gens-là, ces hommes-là qui défendent la vérité, hein. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Depuis longtemps. Ah, tu veux dire pour l'Asr? Non, pas encore. On finit le dars là. Et naam, la siyama. Donc, Allah fait qu'il y a toujours des hommes qui vont défendre la vérité, hein, et qui vont réfuter la fausseté. Et c'est ça la responsabilité et l'obligation pour le savant, en particulier lorsqu'il y a un besoin de le faire. Et ils ne se taisent pas, et il ne laisse pas les gens de l'égarement propager le désordre sur la terre et égarer les hommes, hein, et propager leurs fausses idées, mais au contraire, ces savants clarifient la vérité et ils les réfutent, et ça fait partie de la miséricorde d'Allah, qu'il n'y aura jamais une époque qui sera exempte de la personne qui se tient sur l'ordre d'Allah et qui détient la preuve d'Allah et qui réfute les gens de la fausseté et qui défend la vérité et les gens de la vérité. Donc ça, c'est le manhaj d'Al-Sunnah, de toujours défendre la vérité et de réfuter les gens de la fausseté. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. نعم عزم المريسية نعم ok on a presque fini ce point là donc je pense qu'on va s'arrêter ici et نعم on va s'arrêter ici pour aujourd'hui puis on continue بإذن الله la semaine prochaine inshallah. طيب دونك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.